les gars, poteau. Oh putain. Moi je vais me marrer. Je vais me marrer. Il est temps de faire quelque chose de nos vies. On doit se barrer, abaisser le pont-levis. S'il y a rien à grailler, on a souffert, ça y est. Je veux pas tourner la page, je veux déchirer le cahier. On a tout mis dans cette tête quand sa bibiche te cesse. Et même fait le tour des paires de fesses, marre de subir cette vie comme des pauvres. Si je reste, c'est le chaos. Donc je me barre d'ici, je vous dis ciao. Je vous dis bye bye, je vais me marrer. De toute façon, vous n'êtes pas de taille, je vais me marrer. Je connais pas la direction, mais j'ai pris ma décision. Allez, allez, on va aller. Ma décision, allez, allez, on allez. On n'est pas voué à l'échec, même maths, c'est pas fini. Coup de batte, tu restes ici. Tout est pour d'autres choses, même shooter sous haute dose. On est sûr qu'un jour ou l'autre, on fera le milli. Le talent bien écarté, demande à Mbappé. J'en ai ambitieux, champion du monde dans leur maté. Hard de subir cette vie comme des pauvres. Si je reste, c'est le chaos. Donc je me barre d'ici, je vous dis ciao. Je vous dis bye bye, je vais me marrer. De toute façon, vous n'êtes pas de taille, je vais me marrer. Je connais pas la direction, mais j'ai pris ma décision. Allez, allez, on va aller. Je vous dis bye bye, je vais me marrer. De toute façon, vous n'êtes pas de taille, je vais me marrer. Je connais pas la direction, mais j'ai pris ma décision. Allez, allez, on va aller. Allez, monde dans la gove, on démarre, il copie, on innove, on va tous les guélas. On finira par quitter cette villa, on s'arrêtera quand on aura deux, trois villas. Allez, monde dans la gove, on démarre, il copie, on innove, on va tous les guélas. On finira par quitter cette villa, on s'arrêtera quand on aura tous deux, trois villas. Je vous dis bye bye, je vais me marrer. De toute façon, vous n'êtes pas de taille, je vais me marrer. Je connais pas la direction, mais j'ai pris ma décision. Allez, allez, on va aller. Mais j'ai pris ma décision. Allez, allez, on va aller. Je vous dis bye bye, je vais me marrer. De toute façon, vous n'êtes pas de taille, je vais me marrer. Je connais pas la direction, mais j'ai pris ma décision.